problèmes de pollution et solutions. Au fil du temps, eh bien, l'être humain a engendré beaucoup de pollution sur Terre de par l'utilisation des technologies qui se sont développées par la production industrielle qui, au cours des dernières décennies, eh bien, a occasionné des problèmes de pollution de l'eau, de la terre et également des airs, notamment par la production massive de gaz à effet de serre, donc la combustion de l'énergie fossile à travers les automobiles, entre autres. Ces problèmes de pollution sont en relation avec une compréhension relative de l'être humain et de la science, dans le sens que tant que l'être humain va appréhender le réel à partir d'un mental intellectuel et réflectif seulement, il ne pourra pas composer avec la multidimensionnalité du réel, et son entendement limitatif va faire en sorte qu'il n'aura pas une compréhension globale, englobante de la totalité de ce qui est des implications de ses agissements, en ce sens que si l'être humain procède de l'ego en étant déconnecté de la conscience de l'esprit, eh bien à ce moment-là, l'être humain va engendrer une science qui peut lui nuire grandement, notamment si on pense entre autres à la science actuelle qui a occasionné des problèmes de pollution atmosphérique qui fait en sorte que des êtres humains ont des problèmes pulmonaires, des difficultés respiratoires associées à l'exposition massive de produits chimiques et toxiques dans l'oxygène. Le développement de la science s'est fait au cours entre autres du siècle dernier est en relation avec le développement de l'intellect, mais l'être humain doit aller plus loin. Il doit développer une conscience en contact avec l'esprit pour développer une science qui est en relation avec les lois de l'esprit, c'est-à-dire les lois cosmiques. Et lorsque l'être humain développera une science en relation avec les lois cosmiques qu'il manifestera à la surface de la Terre, eh bien, à ce moment-là, les problèmes actuels associés à la pollution seront neutralisés. Donc, c'est sûr que présentement, l'être humain est confronté à une période où il voit de plus en plus les limites du fonctionnement à partir d'un mental réflectif et calculateur, dans le sens que le capitalisme reposant sur la volonté d'un individu de faire du profit, donc faire de l'argent en mettant en circulation en grande quantité des biens de consommation, jetables pour en vendre le plus possible, donc ils ne sont pas durables, bien, ça a des effets secondaires comme le développement de dépotoirs, de grandes quantités de déchets, et de plus en plus les gens vont contester ça. Donc, c'est sûr que tant que l'être humain procède à partir d'un mental morcelé, il n'y a pas un portrait global de la situation dans laquelle il est impliqué et aussi des impacts à long terme de son agissement. Par contre, un être humain qui s'intériorise et qui se branche à la conscience de l'esprit, bien à ce moment-là, il devient disponible à canaliser une science à la surface de la Terre qui va être en harmonie avec les lois de l'esprit, étant donné qu'il est capable de le percevoir. Et en agissant en relation avec l'esprit, bien à ce moment-là, cette science va en venir éventuellement à neutraliser les problèmes de pollution associés à la science actuelle. Dans le sens que la science actuelle, en relation avec le développement de l'intellect, de la capacité réflexive de l'individu, bien, permet mieux d'appréhender le réel qu'une conscience émotionnelle. Par contre, cette conscience a ses limites et de plus en plus on est confronté aux limites de la conscience intellectuelle, l'esprit de calcul, de par les limites, entre autres, associées au système capitalisme. Donc, le mental qui procède avec des formes, en étant soumis, par exemple, à l'idéologie capitaliste, va occasionner des problèmes, entre autres, de pollution en contre-coup. Et c'est sûr qu'éventuellement, ça va être de plus en plus contesté pour amener à ce que l'être humain élargisse sa compréhension du réel, sa compréhension de ses implications sur le plan environnemental, puis de réaliser, à quelque part, que l'être humain, eh bien, il appartient à une société, il appartient à une vie planétaire qui va avoir des conséquences sur les autres règles de vie, que ce soit par rapport aux animaux, que ce soit par rapport aux plantes, Et ces règles de vie-là, en contrepartie, vont avoir un impact sur lui, parce qu'après tout, s'il y a des espèces animales qui deviennent en voie d'extinction, aussi des poissons, eh bien, éventuellement, ça aura un impact par rapport à son alimentation. Et tout est interrelié. Et c'est sûr que l'être humain qui réalise que quelque part, en ayant une science qui engendre beaucoup de pollution, il y a des limites par rapport à ça. Eh bien, à ce moment-là, ça crée une ouverture dans sa psyché à autre chose, parce qu'il réalise les limites de quelque chose. Eh bien, ça le met en état de démarche pour s'ouvrir à quelque chose d'autre. Et éventuellement, la solution par rapport au problème de pollution que nous connaissons actuellement à la surface de la Terre sera la capacité de l'être humain d'entrer en contact avec l'esprit. Le simple fait, dans un premier temps, d'entrer en contact avec l'esprit va modifier le fonctionnement psychique de l'individu. Donc, autrement dit, l'être humain qui s'harmonise à la conscience de l'esprit va arrêter de vibrer continuellement au désir. Il va fonctionner en fonction du besoin. Ce qui veut dire qu'en étant nourri de la présence de son être et en étant capable de ressentir la présence de cette vibration descendre en lui, l'habiter, l'alimenter, bien à ce moment-là, il y aura moins besoin de surconsommer pour compenser un vide intérieur. Donc, autrement dit, dans un premier temps, les problèmes de pollution vont être limités lorsque l'être humain va changer sa psychologie. Donc, autrement dit, quelqu'un qui vit beaucoup au désir, il en veut tout le temps plus sur le plan matériel, entre autres, pour compenser un vide antérieur, parce qu'après tout, tant que l'être humain n'est pas en harmonie avec l'esprit, c'est un petit peu comme une coquille vide. Et à ce moment-là, pour compenser ce manque d'identité, eh bien, l'être humain peut chercher à se définir à travers la consommation, la surconsommation et la possession. Donc, un ego qui se définit beaucoup à travers l'avoir parce qu'il n'est pas capable de s'auto-générer créativement au niveau de l'être en étant le réceptacle de l'énergie de l'esprit qui lui permet d'exister pleinement. Bien, à ce moment-là, peut surconsommer en achetant beaucoup de voitures, en consommant, par exemple, une grande quantité plus que nécessaire de nourriture. Puis là, on se ramasse par la suite avec des problèmes d'obésité, notamment en Occident. Il y a d'autres variables aussi sur l'obésité, bien entendu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la société capitaliste qui occasionne une grande quantité de biens à la disposition de l'individu a ses limites. C'est sûr que si le capitaliste nourrit continuellement au sein de l'individu à travers de publicité, le marketing, les médias de masse, le désir insatiable de toujours en avoir plus, toujours posséder plus de voitures, toujours posséder une maison plus grosse, plus par la suite de téléphones intelligents, plus de télévision, plus de tablettes, plus de ci, plus de ça, eh bien, l'individu qui se soumet sous cette influence ne peut pas être bien dans sa peau, ne peut pas être heureux parce qu'il vibre toujours à un désir qui lui est programmé par des instances de son environnement. Mais si l'individu s'intériorise et fonctionne avec l'esprit, il apprend à vivre en fonction de répondre à ses besoins réels plutôt que de désir. Ce qui va faire en sorte que dans un premier temps, il va arrêter de surconsommer les ressources de la planète parce qu'il va vivre en fonction d'une stimulation autre. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, l'individu doit sortir d'une dynamique de surconsommation. Ça, c'est un premier temps. Mais éventuellement, l'individu qui intègre progressivement l'énergie de l'esprit va en venir à mettre en place de, s'il y en a la vibration, parce que c'est pas tout le monde qui sont appelés des scientifiques, à apporter des correctifs par rapport aux technologies actuelles pour limiter et réduire leurs dégâts. Puis éventuellement fonctionner autrement. Donc, c'est sûr qu'une personne qui a la capacité d'intégrer l'énergie de l'esprit, de s'en nourrir, bien, à ce moment-là, elle va avoir une dynamique extrêmement différente qu'une personne qui fonctionne juste au niveau de l'ego. Parce que éventuellement l'être humain sera capable de canaliser l'énergie indifférenciée du cosmos et agir à la manière d'un transformateur pour faire agir la matière à sa volonté et réajuster le plan matériel. Donc, éventuellement, il y aura la surface de la Terre, des êtres humains nouveaux qui seront des êtres qui ont, entre autres, pour mandat de restaurer la Terre par rapport aux problèmes de pollution associés à l'époque actuelle. Donc, autrement dit, c'est sûr que c'est bien que l'être humain vive en fonction de ses besoins plutôt que ses désirs, ce qui va faire en sorte qu'il va arrêter de consommer d'une manière exagérée, les ressources de la Terre, mais éventuellement, ce qu'il y aura, ça va être des correctifs aux technologies actuelles pour qu'elles soient moins polluantes, voire l'apparition de nouvelles technologies, mais éventuellement, il faut aller plus loin que ça. Parce que d'apporter des correctifs à des technologies matérielles pour qu'elles soient moins consommatrices d'énergie, si on pense entre autres à des modifications qui ont été faites sur des, par exemple, le développement de véhicules automobiles qui consomment moins de quantité d'essence pour parcourir des plus grandes distances, c'est intéressant, ça fait que c'est un peu plus écologique, mais c'est pas optimal. Donc, éventuellement, l'être humain aura la capacité d'aller puiser l'énergie directement au plan éthérique pour s'alimenter. Parce que fondamentalement, les problèmes de pollution associés à l'époque présente sont en relation avec un problème d'approvisionnement en énergie. Donc, c'est sûr que si on prend par exemple l'énergie pour se déplacer, on fonctionne présentement avec le pétrole, éventuellement, l'être humain aura la capacité de canaliser l'énergie cosmique, de l'utiliser pour se propulser, c'est-à-dire se matérialiser et se rematérialiser à un autre endroit dans l'espace où il veut être. Donc, il n'y aura pas besoin d'employer un véhicule physique, il n'y aura pas besoin d'employer un vaisseau spatial. Il sera lui-même le véhicule qu'il utilisera pour se déplacer où il a besoin d'être, tout simplement. Mais ça, c'est à extrêmement long terme. Les autres les problèmes de pollution, c'est quoi? Entre autres, associés à l'alimentation, à l'utilisation d'objets pour, par exemple, faire du sport ou de l'activité physique pour maintenir une bonne forme physique. Ensuite, il y a des objets pour se loger, mais éventuellement, l'être humain n'aura plus besoin de se loger parce que l'être humain ne sera plus soumis aux lois associées à la biologie actuelle. Donc, éventuellement, lorsque l'être humain aura la capacité de canaliser l'énergie de l'esprit de plus en plus, il pourra altérer la structure de son corps biologique en conséquence. Et à ce moment-là, l'être humain ne fonctionnera plus comme l'être humain actuel. Il sera plus soumis aux éléments. Il pourra composer avec les éléments et les réajuster aux besoins. Donc, c'est sûr que ce que je capte, c'est que dans le temps, il y aura des êtres qui apparaîtront à la surface de la Terre qui auront pour mandat et fonction de restaurer l'humanité après qu'elle a connu des problèmes de pollution. Donc, c'est sûr que si l'être humain a engendré du désordre sur Terre, eh bien, éventuellement, pour des raisons karmiques évidentes, il aura à réinstaller un ordre. Donc, autrement dit, le désordre est lié, lorsque vous pouvez faire l'étude des problèmes de pollution sur Terre, à l'utilisation d'une ressource et à la mettre ailleurs. Par exemple, le pétrole, eh bien, il est épuisé du sol et il est amené dans l'atmosphère. Donc, autrement dit, si l'être humain peut prendre le pétrole qui est dans la Terre et le mettre dans l'atmosphère, puis là, ça occasionne des problèmes, il peut prendre le pétrole dans l'atmosphère puis de le remettre dans la Terre. Donc, éventuellement, il y a une restauration de la Terre. Ensuite, les êtres humains nouveaux pourront reboiser des forêts, et ainsi de suite. C'est sûr qu'il y a sans doute des gens qui peuvent écouter l'enregistrement présent et trouver que c'est de la pensée magique. Bien entendu, ça peut être vu à l'époque actuelle comme étant de la pensée magique par rapport à des propriétés d'êtres humains nouveaux. Bien entendu. C'est à vous de regarder vibratoirement si vous vibrez à ça. La possibilité ou non qu'il y ait des êtres humains dans le futur qui auront la capacité de restaurer la surface de la Terre après les dégâts qui ont été engendrés par l'humanité actuelle en utilisant des technologies matérialistes. Donc, c'est sûr que la science sans esprit, sans contact avec la dimension psychique et une intégration consciente des lois universelles occasionne des dégâts. Et on en paie le prix présentement et on en paiera encore le prix pendant une certaine période de temps. Mais éventuellement, il y aura un rééquilibrage qui devra se faire parce que le projet humain n'est pas voué à sa propre extinction. Donc, c'est sûr que présentement, il y a à l'échelle de la Terre des discours alarmistes à l'effet que l'être humain va éventuellement occasionner sa propre perte. et que à quelque part c'est désespéré comme cas. Et il faut pas sombrer dans de tels discours parce que ce type de discours-là peuvent amener un état de panique, un état de dépression, un état d'éco-anxiété qui va faire en sorte que l'être humain va se faire astraliser, c'est-à-dire récupérer par des forces adverses au projet humain qui consiste au développement sur Terre d'une humanité renouvelée qui aura accès à une conscience nouvelle. Et ces forces retardataires peuvent chercher à faire croire au sein des tutus que tout est perdu et que ce n'est qu'une question de temps avant que l'être humain connaisse sa propre extinction. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, d'avoir peur des problèmes de pollution et de leurs répercussions, de vibrer à la peur, de vibrer à de l'émotionnel, ça crée de la déstabilisation. Bien entendu, l'être humain ne doit pas nier que des problèmes de pollution. Le propos n'est pas ici de faire semblant que les problèmes de pollution n'existent pas. Bien entendu, les taux de pollution des océans est de plus en plus critique. Il y a des espèces animales qui sont à l'heure actuelle en voie d'extinction. Il y a des changements climatiques aussi qui s'opèrent. Donc, il y a des réalités ici qui doivent être prises en considération par rapport à l'impact, dans une certaine mesure, de l'activité humaine. Et c'est bien entendu par rapport au changement climatique, bien entendu par rapport à tout ce qui est dit ici dans le cadre de cet enregistrement, ne croyez pas, vérifiez par vous-même, mais les changements climatiques sont en relation avec des changements de cycle de l'activité terrestre. Bien entendu, l'être humain, de par son activité et la génération de pollution va interférer dans une certaine mesure par rapport au climat, mais fondamentalement, que l'être humain interfère ou non avec le climat, le changement de climat va s'opérer pareil. Par contre, il est bien que l'être humain réduise la pollution atmosphérique, ne serait-ce que pour lui-même, parce que ça occasionne des problèmes pulmonaires, les autres espèces animales aussi qui en souffrent. Donc, c'est sûr que tant que l'être humain vit strictement au niveau de l'ego, coupé de la conscience de l'esprit, il ne peut pas générer sur Terre un équilibre, un ordre qui soit en cohérence avec les réalités au niveau des lois cosmiques. Donc, ce qui fait en sorte qu'il en enfreint certaines, ce qui occasionne un karma, ce qui va faire qu'éventuellement, il y aura des êtres humains qui devront se réincarner pour restaurer la Terre. Donc, la dépolluer. Donc, c'est sûr que s'il y a des êtres qui font beaucoup d'argent avec un désir très grand de faire du profit à court terme en faisant le déni des conséquences environnementales de l'introduction de certaines technologies, eh bien, si ces êtres-là engendrent des problèmes de pollution alors qu'ils sont extrêmement conscients, ils savent que c'est nuisible, à ce moment-là, ces êtres ont un karma. Et s'ils ont un karma, c'est qu'éventuellement, ils devront se réincarner sur Terre pour rééquilibrer le karma, c'est-à-dire dépolluer la Terre en fonction des problèmes qu'ils ont occasionnés pour des raisons d'avarice, pour des raisons de faire du profit à court terme dans des vies antérieures. Donc, c'est sûr que les êtres humains qui font présentement des fortunes en relation avec l'exploitation de technologies polluantes, alors qu'ils savent que c'est polluant et qu'ils n'écoutent pas le signal intérieur à eux, qu'ils ne devraient pas faire ça, bien à ce moment-là, il y aura un déséquilibre qu'ils devront réajuster, car ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Mais ça, c'est la gestion karmique individuelle, et c'est en relation avec des lois d'énergie qui sont brimées, et en même temps, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a des êtres qui sont inconscients, qui créent de la pollution, qui sont inconscients d'utiliser des technologies qui sont polluantes. Alors, leur impact n'est pas la même que ceux qui font ça en connaissance de cause. Et il y aura une administration, il y en a déjà une sur Terre, d'êtres qui vont chercher à réguler les comportements humains, que ce soit au niveau juridique, mais éventuellement, il y aura l'administration du gouvernement supramental qui va chercher à réguler les êtres sur le plan physique, les êtres qui ont aussi déjà existé pour encadrer des processus réincarnationnels en fonction qu'il y ait un rééquilibrage sur Terre et une restauration de la planète. Donc, ça va se faire avec le temps, mais d'ici là, l'être humain ne doit pas sombrer dans un état de dépression, de climato-anxiété, pour employer l'idéologiste de l'époque actuelle. L'être humain doit s'occuper de lui-même. Donc, il ne doit pas nier les problèmes de pollution, il doit être capable de les observer, mais en même temps, il ne doit pas s'empêcher de fonctionner. C'est pas parce que, présentement, l'automobile occasionne de la pollution qu'il doit arrêter d'utiliser l'automobile. Donc, c'est sûr que si l'être humain pose la question au plan de la lumière, pourquoi n'avons-nous pas accès présentement à des technologies qui sont moins polluantes? Et bien, ce qu'il émerge en moi lorsque je pose la question, c'est que l'être humain n'est pas prêt encore à les assumer. Et c'est un petit peu un cercle vicieux, parce que tant que l'être humain n'est pas prêt à assumer des technologies qui ont de plus grandes potentialités, il n'a pas accès à ces dernières. Et tant qu'il n'a pas accès à ces dernières, les problèmes de pollution s'accentuent. Mais en même temps, ça me dit simultanément que tout désordre occasionné par l'être humain devra être établi par rapport à lui, par lui-même, avec le temps et au fil des incarnations. Donc, autrement dit, c'est juste une question de temps avec le karma mondial puisse s'équilibrer à l'égard des problèmes environnementaux. Mais pendant ce temps-là, ben, il y a des êtres humains qui en souffrent. Donc, autrement dit, un être humain peut vouloir arrêter de polluer, mais ça se peut qu'il ne peut pas. Et pourquoi il ne peut pas? Ben, c'est parce que si l'être humain voudrait, par exemple, s'alimenter directement du cosmos au lieu de polluer l'environnement en se nourrissant avec des produits faits à des grandes quantités de distance de chez lui, ben, s'il voudrait s'alimenter de tout ça alors qu'il n'a pas le taux vibratoire pour ça, ben, il ne peut pas. Donc, à ce moment-là, c'est une fatalité que l'être humain doit consommer, par exemple, des produits qui vont engendrer par la chute de la pollution. Mais s'il ne peut pas faire autrement, eh bien, il n'a pas le choix de consommer. Et s'il n'a pas d'autre choix que de consommer des produits, à ce moment-là, il ne sert absolument à rien de se sentir coupable alors qu'il n'a pas d'autre opportunité. Et si l'être humain, par exemple, a la mise en vibration de consommer un produit plutôt qu'un autre, ben, il peut le faire. Mais éventuellement aussi, c'est intéressant, ce qui me vient en tête, c'est que l'être humain ne doit pas centrer son attention strictement sur les problèmes de pollution. Parce qu'à ce moment-là, il peut être soumis à une forme de religion verte. Donc, autrement dit, autrefois, la religion était très présente, si on pense entre autres au Québec, avec la religion judéo-chrétienne. Donc, les gens étaient soumis à des notions de péché. C'est-à-dire que si l'être humain désobéissait au prêtre, eh bien, on lui faisait croire qu'il allait mourir en enfer. Et rester pour... En fait, il allait mourir et se retrouver par la chute en enfer et y rester pour l'éternité. Et avec la religion verte, ben, c'est que l'être humain qui pollue est un méchant pollueur. Donc, il est coupable d'un péché contre la nature. Et ça, c'est un cadre conceptuel qui peut empoisonner l'esprit de certains individus qui vont se sentir coupables d'exister. Parce que si l'être humain a à utiliser l'auto pour se déplacer à son travail qui consomme de l'essence, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de transport. S'il se sent coupable de tout ça, ben, à ce moment-là, l'être humain, ben, il faut qu'il arrête d'utiliser son auto. S'il se sent coupable de manger des produits emballés dans des contenants de plastique, ben, à ce moment-là, s'il arrête de se déplacer, s'il arrête de manger ou s'il arrête de se reproduire, il y a des êtres humains qui se sentent coupables d'avoir des enfants. Parce qu'à ce moment-là, ces enfants-là vont éventuellement consommer des ressources et éventuellement participer à la pollution. Donc, c'est sûr que si les enfants, par la suite, se déplacent en véhicule automobile, ben ça augmente la quantité de gaz à effet de serre qui est utilisé. Donc, l'esprit de calcul en relation avec la pollution puis la culpabilisation qui est faite par rapport à l'activité humaine va tendent à vouloir, dans un esprit comptable, limiter les agissements humains. Mais si l'être humain fait juste arrêter d'agir, ben à ce moment-là, ça amène l'être humain à devenir presque inerte. Donc, ça devient limitatif, ça devient castrant, un peu comme la religion dans le passé. C'est sûr que pour sortir de cette idéologie-là, sans pour autant être dans l'idéologie du jumeau-foutisme par rapport à l'environnement où ce qu'il n'y a pas de conséquences puis que l'être humain peut faire n'importe quoi, qui est l'autre extrême. Donc, l'être humain doit sortir des polarités qui consistent à adhérer à la religion verte et aussi avoir un mépris à l'égard de l'environnement pour rentrer dans son identité réelle et canaliser l'esprit pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Et c'est sûr que quelqu'un qui fonctionne avec l'esprit, ben ça peut dire à un moment donné qu'il a voyagé. Puis à un moment donné, ça peut dire non, tu n'as pas à voyager. Et si l'être humain voyage, par exemple en utilisant l'avion, qui est extrêmement polluant, alors qu'il n'y a pas la vibration de le faire, ben là, il peut participer dans une certaine mesure à un karma. Parce qu'il fait quelque chose qu'il n'est pas censé faire. Mais si l'être humain voyage parce qu'il met en vibration de rencontrer une autre personne qui, par exemple, éventuellement va s'éveiller, puis éventuellement le fait que cette autre personne-là va s'éveiller, elle va œuvrer à la mise en place de technologies pour réduire les dégâts associés à la pollution, et éventuellement elle pourra canaliser l'énergie indifférenciée du cosmos parce qu'elle aura bénéficié d'un support vibratoire provenant d'un autre individu qui va favoriser sa connexion avec son propre esprit qui établit le contact, bien, à ce moment-là, cet être humain-là pourra participer éventuellement à la restauration de la vie sur Terre. Donc, autrement dit, l'être humain doit agir en fonction de la vibration qu'il capte. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, la personne n'a pas à réfléchir puis à écouter des centaines de documentaires sur les problèmes environnementaux, ou écouter des activistes qui font peur au monde avec des statistiques chocs sur l'impact de l'environnement de l'être humain pour qu'il se sente coupable et qu'il se mette à paniquer et avoir peur. Non, il faut que l'être humain s'occupe de lui-même sur le plan individuel et de réaliser que l'être humain a un rôle à jouer par rapport à l'environnement. Mais ce rôle ne doit pas être exagéré, parce qu'à ce moment-là, ça devient aliénant. Donc, si on se sent coupable à chaque fois qu'on mange, on va au restaurant, on utilise l'avion ou un véhicule automobile pour se déplacer, ben à ce moment-là, on ne sera jamais bien dans notre peau. Donc, la culpabilisation outrancière associée à la religion verte, la croyance à la sainte écologie, a ses limites. L'être humain qui s'occupe de lui-même, qui ne cherche pas à créer des problèmes de pollution pour faire souffrir les autres. Parce qu'un être humain qui cherche à faire souffrir d'autres êtres humains ou les autres règnes vivants, que ce soit les poissons, les plantes, bien à ce moment-là, s'il cherche à faire ça d'une manière volontairement consciente, bien à ce moment-là, ça crée un karma. Donc, l'être humain n'a pas à se réjouir des problèmes de pollution, mais de ne pas sans plus se sentir coupable par rapport à ces derniers. L'être humain a à vivre en fonction de ses besoins, non pas en fonction de ses désirs. Et le simple fait de vivre en fonction de ses besoins pourra limiter à court terme certains impacts de problèmes de pollution. Et éventuellement, à long terme, le fait de développer une intelligence créative qui lui permet d'intercepter des inventions du cosmos pourront l'aider à résoudre des problèmes de pollution. Puis éventuellement, l'être humain qui entre dans son identité aura la stabilité psychique pour, par exemple, collaborer avec des êtres du cosmos. Puis éventuellement, il peut être possible pour des êtres humains de vivre une communication télépathique à des extraterrestres qui ont accès à des technologies qui l'aideront à régler des problèmes de pollution. Mais ultimement, l'être humain ne doit pas attendre après les extraterrestres pour neutraliser les problèmes de pollution. Il doit agir par lui-même. Puis éventuellement, l'être humain qui entrera pleinement dans la conscience de son esprit sera capable de s'auto-alimenter directement de lui au niveau cosmique lorsqu'il aura la stabilité psychique pour intercepter la vibration du cosmos qui est indifférenciée, qui provient du plan éthérique. Parce qu'en réalité, la réalité sur le plan physique est la manifestation densité d'une réalité plus subtile. Parce que dans l'univers, qu'est-ce qui existe, c'est de l'énergie. Donc, autrement dit, les crises qu'on prévoit, par exemple, par rapport à la diminution de la quantité de pétrole dans le monde accessible pour du forage, le manque de pétrole, le manque d'énergie électrique pour subvenir aux besoins d'une population grandissante, ainsi de suite, c'est tout en relation avec la question de l'énergie, mais fondamentalement, l'énergie est abondante dans le cosmos. Donc, l'histoire que des pénuries d'énergie, des pénuries de ressources, ça, c'est en relation avec une mentalité de calcul. Mais fondamentalement, l'énergie est abondante dans le cosmos, mais il faut que l'être humain soit capable de la puiser. Puis pour être capable de la puiser, il faut qu'il ait le taux vibratoire de non seulement la capter, mais d'être capable de la convertir et éventuellement faire agir la matière à sa volonté puis altérer les propriétés, par exemple, d'éléments polluants, d'éléments radioactifs. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, l'être humain, de par sa capacité à agir sur la matière, pourra neutraliser des problèmes de radioactivité qui ont été occasionnés par l'être humain actuel de par l'utilisation de l'énergie nucléaire pour s'alimenter. Lorsque l'être humain s'alimentera de l'énergie du cosmos, il n'aura plus besoin d'énergie nucléaire, il n'aura plus besoin d'hydroélectricité, il n'aura plus besoin de s'alimenter avec le charbon et avec le pétrole. Ça sera des formes d'énergie désuètes parce que il pourra prendre l'énergie qui est plus subtile, la percevoir. Mais c'est sûr que tant que l'être humain ne perçoit pas le plan éthérique, ça ne sert pas à grand-chose de lui parler, d'aller épuiser l'énergie sur le plan éthérique. Il ne capte pas. L'être humain ne capte pas la vibration de ce plan-là. De lui en parler, il ne captera pas la parole vibratoire qui peut être issue de ce plan-là, étant donné qu'il ne perçoit pas. Mais éventuellement, il y en aura de plus en plus, puis c'est intelligent que ça se parle progressivement pour préparer le terrain sur un long échéancier. Tant que l'être humain réfléchit puis fonctionne en fonction d'un intellect qui n'est pas unifié à cette autre réalité qui est celle de l'esprit qui repose sur le plan éthérique, à ce moment-là, l'être humain est limité à penser en fonction de matière puis utilisation de matière. Mais quand l'être humain réalise que la matière est le sous-produit d'une activité, d'une réalité haute, à ce moment-là, il comprend la cause des choses plutôt que seulement regarder les conséquences ou les symptômes. Donc, sa façon de composer avec la réalité change. Et ce type de changement-là, éventuellement, sera porteur d'un renouveau sur Terre. Et c'est sûr que l'enregistrement qui est fait maintenant peut paraître sans issue, dans le sens que de dire aux gens, lorsque vous aurez la capacité de capter le plan éthérique, vous allez être en contact avec une autre réalité, éventuellement vous captez votre esprit, éventuellement votre esprit va vous travailler, il va changer votre psyché, pour éventuellement faire en sorte que vous soyez disposé à utiliser l'énergie du plan éthérique pour en faire une canalisation sur le plan physique et reformuler votre environnement en fonction de cette dernière. Donc, c'est sûr que les gens qui ne sont pas capables d'utiliser l'énergie éthérique, de capter ça, ce type de propos-là, ça peut paraître comme étant une perte de temps, de la pensée magique, bien entendu, de pas régler rien à court terme. En effet, la compréhension que l'être humain fonctionnera à partir de l'énergie éthérique ne permet pas ici et maintenant de régler des problèmes de pollution qui sont dépeints par certains activistes dans les médias comme étant criants. Mais l'être humain doit comprendre que s'il capte de l'esprit, il a à s'ajuster. Et chacun de ces ajustements qu'il fait progressivement participe au rehaussement de son taux vibratoire qui va faire en sorte qu'éventuellement il pourra utiliser l'énergie cosmique pour restaurer la Terre. S'il donne de l'importance à la valeur de l'écologie, du respect de l'environnement. Mais l'être humain doit s'occuper de vivre en harmonie avec lui-même pour qu'éventuellement l'humanité et les autres êtres humains qui seront harmonisés à eux-mêmes, donc plein d'individualités mis ensemble, vont faire en sorte qu'ils auront des comportements qui seront harmonieux en fonction de l'environnement. Parce que la pollution, un peu comme la guerre, c'est un sous-produit de l'inconscience humaine. Lorsque l'être humain est conscient, il n'y a plus de problème de pollution, il n'y a plus de problème de guerre, il n'y a plus de problème de conflit, il n'y a plus de problème d'ego et d'orgueil. D'ailleurs, l'essentiel de la surconsommation des ressources sur Terre présentement est en relation avec l'ego, avec le corps de désir qui est surgonflé par l'être humain. Et ce mouvement est en état d'amplification de par l'exposition de l'être humain des publicités qui le renforce continuellement dans son désir d'en avoir plus de taux, plus de pollution associée à l'activité qui est liée à l'utilisation de l'automobile en plus grande quantité, ainsi de suite. C'est le carburant au corps de désir, en fait au corps astral, devrais-je dire, qui occasionne des désirs de consommation et de surconsommation. L'être humain achète une télévision. Quelques années plus tard, il y a une technologie plus perfectionnée avec une plus grande résolution de taille qui va faire en sorte que il va changer la télévision alors qu'elle est toujours fonctionnelle. Puis il y a une autre technologie qui apparaît, puis il va se dépouiller d'un objet alors qu'il est encore utile. Donc l'être humain a à revoir et revisiter ses modes de consommation. Mais l'être humain, présentement, est bombardé d'objets transitoires. Transitoires dans le sens que les formes qui sont produites ne sont pas absolues. La preuve, elles deviennent rapidement obsolètes. Les téléphones intelligents, les smartphones, Ben, ils deviennent déçus après un certain nombre d'années extrêmement courtes. Il n'y a pas un téléphone intelligent qui va être fonctionnel d'une manière optimale pendant 30 ou 40 ans. C'est pas prévu ainsi. Mais la technologie de l'esprit est prévue ici. Quelqu'un qui est branché à la conscience de son esprit peut communiquer par télépathie avec un être humain. Puis plus qu'il se dépollue en tant qu'ego, puis plus qu'il peut capter avec clarté la transmission psychique qu'il reçoit, un peu comme un radio. Et à ce moment-là, l'être humain peut utiliser cette manière de procéder qui va de plus en plus se clarifier, se préciser avec le temps, sur une longue période de temps. Donc, il n'y a pas besoin d'utiliser un téléphone intelligent pour capter des ondes puis entrer en contact avec quelqu'un. Mais ça, c'est une technologie optimale. Et le téléphone, c'est quoi? C'est une béquille temporaire que l'être humain actuel, qui fonctionne essentiellement au niveau de l'intellect, utilise, à défaut de pouvoir fonctionner au niveau de l'esprit. Parce que ce qui retarde la restauration de la Terre, bien entendu, c'est l'étroitesse de la conscience humaine, son orgueil, et le fait que l'être humain aussi est instable psychiquement, il vibre trop à l'émotionnel. Et tant que l'être humain vibre trop à l'émotionnel, il ne peut pas vivre de grands chocs au niveau psychique qui va lui permettre d'intégrer l'énergie de l'esprit. Et tant que l'être humain n'intègre pas l'énergie de l'esprit, bien à ce moment-là, sa psyché ne peut pas être restaurée. Puis à ce moment-là, il ne peut pas devenir un agent restaurateur de l'environnement s'il en a la vibration d'agir ainsi. Ce qui fait en sorte que c'est un petit peu un cercle vicieux. Donc autrement dit, de leur côté, les êtres de la lumière veulent que les problèmes de pollution sur Terre soient éventuellement réglés, mais en même temps, ces êtres-là ne peuvent pas devancer le temps où ce que l'être humain sera en mesure d'y régler, ce qui fait qu'il y a du temps à contenir. Donc, présentement, on doit contenir une certaine période de temps où ce que l'être humain va continuer à polluer l'environnement, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Et pendant que ce temps s'écoule, eh bien, il y a des êtres qui développent une plus grande stabilité psychique, et qui vont intégrer l'énergie de l'esprit, s'y ajuster, pour éventuellement ajuster l'environnement en fonction de cette énergie, parce que dans un premier temps, l'énergie ajuste leur psyché pour que éventuellement ces êtres avec une psyché renouvelée renouvellent leur rapport à l'environnement et puissent participer à sa restauration. Donc ça, c'est juste une question de temps. Mais tout ça, tout cet enregistrement-là sert à faire réaliser quelque part à l'individu que pas se sentir coupable de la pollution et de pas nier non plus l'existence de la pollution. Il doit faire ce qu'il a à faire en s'ajustant à son intériorité, s'il est capable de percevoir l'esprit. Puis si l'esprit dû faire quelque chose, il fait cette chose-là. Il n'y a pas à réfléchir des milliers d'heures sur les problèmes de l'environnement. Il fait ce qu'il a à faire sur le plan individuel et lorsque tous les êtres humains feront ce qu'ils ont à faire sur le plan individuel, il n'y aura plus de problème de pollution sur Terre. Mais présentement, ce qui ralentit ce mouvement-là d'action en fonction d'une vibration, donc vibrer et agir dans une direction qui va favoriser la prospérité de l'être humain, la viabilité de la civilisation humaine à long terme, ben c'est le fait que certains êtres humains sont inconscients et qui n'ont pas la stabilité psychique pour être exposés à l'énergie de l'esprit, ce qui fait en sorte que l'énergie de l'esprit ne descend pas en eux. Et comme l'énergie de l'esprit ne descend pas en eux, ces êtres humains-là ne peuvent pas vivre en fonction des lois cosmiques. Donc à ce moment-là, les êtres humains polluent, mais n'ont d'autre choix que de polluer parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc autrement dit, ces êtres-là n'ont pas de libre arbitre dans le sens réel du terme, parce qu'ils ne sont pas libres de polluer parce qu'ils ne peuvent pas agir autrement. Autrement dit, tant que l'être humain n'est pas capable de se nourrir de l'énergie de l'esprit pour avoir un taux vibratoire, pour avoir une autorégulation vibratoire et s'alimenter directement à elle à partir du plan éthérique, ben à ce moment-là, l'être humain doit parasiter son environnement pour s'alimenter. C'est sûr que l'être humain qui va parasiter, par exemple, les animaux pour se nourrir de leur chair, les végétaux pour se nourrir par la suite d'eux aussi, ben, ils participent à de la pollution parce que ces activités, par exemple, d'élever en grande quantité des bœufs ou des vaches pour des raisons de consommation humaine occasionnent de la pollution. Mais c'est que l'être humain, à un moment donné, va réaliser qu'il y a des animaux qu'il peut consommer qui sont moins polluants que d'autres dans un esprit de calcul, mais c'est pas assez. Ou il va arrêter de manger des animaux pour se nourrir plus de végétaux, mais en même temps, c'est encore pas assez pour être en harmonie avec le cosmos pour que la civilisation soit vraiment viable. Il peut limiter les dégâts, mais éventuellement, il n'y en aura plus de dégâts parce que l'être humain aura une capacité de traiter directement avec l'énergie. Parce que l'essentiel des problèmes environnementaux présentement sont liés avec une question d'alimentation, d'énergie. Tant que l'être humain a parasité les éléments extérieurs à lui et les ressources naturelles pour s'alimenter, ben, c'est ça qui occasionne des problèmes de pollution. Ensuite, c'est sûr qu'il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, comme par exemple les problèmes de surpopulation. Mais lorsque l'être humain est ajusté à l'esprit, il n'y a plus de problème de surpopulation parce qu'il y a le nombre de naissances qui seront adéquats par rapport à la capacité des êtres qui sont concernés par sa naissance de subvenir aux besoins de ces êtres sur le plan biologique sur Terre. Donc, il y a une régulation des naissances en relation, entre autres, avec l'activité grandissante du gouvernement supramental qui va faire la gestion des incarnations et réincarnations futures. Puis à ce moment-là, bien, il n'y aura plus d'endroits surpeuplés. Ça va neutraliser ce type de problème-là. Lorsque l'âme sera pleinement sous l'influence du gouvernement supramental, eh bien, à ce moment-là, il y a un rajustement des trajectoires évolutives. Même chose par rapport au problème de la guerre, en plus des problèmes de pollution et de surpopulation. En fait, toutes les natures de problèmes seront éventuellement neutralisées par les activités des êtres humains nouveaux. Donc, que l'être humain ne sombre pas dans la climato-anxiété, dans le désespoir, sous l'influence de propos alarmistes, que l'être humain s'occupe de lui-même, qu'il fasse ce qu'il a à faire, puis qu'il laisse faire le reste. Car, après tout, le destin de l'être humain n'est pas de connaître l'extinction associée à la pollution. En réalité, les êtres humains ont été créés par d'autres êtres dans le cosmos qui ont procédé à des expérimentations sur le plan biologique. Et c'est sûr qu'à quelque part, il n'y aura pas l'extinction de l'humanité parce que, à ce moment-là, ça empêcherait du développement, c'est intéressant, de ces êtres-là, puis de d'autres êtres aussi. Donc, il y aura éventuellement intervention pour neutraliser les problèmes de pollution, pour pas que le projet humain soit totalement neutralisé. Mais c'est sûr que dans un monde idéal, c'est l'être humain lui-même, par sa capacité d'intercepter l'esprit, d'agir en conséquence, neutraliser lui-même les problèmes de pollution sans qu'il y ait besoin à ce qu'il y ait de l'interférence d'êtres extraterrestres qui ont participé à la genèse de l'humanité actuelle, de se repointer sur la face publique pour collaborer avec certains êtres plus ajustés que d'autres à neutraliser les problèmes de pollution actuels. Non, idéalement, il faut que l'être humain lui-même qui est à l'origine des problèmes de pollution, les neutralise par lui-même, de par un changement d'esprit, par le développement d'une grande stabilité psychique, une capacité à transiger directement avec la canalisation de l'énergie du cosmos. Mais est-ce que c'est ça qui va s'actualiser dans les prochaines années, voire les prochaines décennies? Ça reste à voir. Parce que les plans, les êtres sur le plan éthérique ne peuvent pas descendre plus rapidement que la capacité d'absorption de l'être humain. Ils peuvent chercher à mettre en place des scénarios, des événements pour faire en sorte que l'être humain soit plus souple, soit plus ouvert à leur présence. Mais il y a des limites aussi qu'ils doivent respecter. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les problèmes de pollution ne sont pas associés au fait que l'esprit a abandonné l'être humain ou l'esprit cautionne cela, qui est d'accord avec ça. Non, il n'y a pas un accord moral du plan éthérique par rapport aux problèmes de pollution. C'est simplement une constatation que ces problèmes sont inhérents à l'état d'inconscience de l'humanité. La volonté du plan éthérique, c'est pas que l'être humain occasionne des problèmes de pollution, mais indirectement, le fait que l'être humain est coupé du plan éthérique occasionne cela. C'est une constatation qui doit se faire. Au même titre que le plan éthérique n'a jamais voulu qu'il y ait des guerres horribles sur Terre qui occasionnent des milliers de morts. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est que le plan éthérique ne pouvait pas stopper la guerre en rendant, par exemple, des millions d'individus fusionnés lors de la période de la Deuxième Guerre mondiale, étant donné que les êtres humains n'avaient pas la stabilité psychique pour absorber l'énergie de l'esprit. Donc, les êtres sur le plan éthérique doivent, les contreparties cosmiques des individus doivent attendre un certain laps de temps avant de descendre en leur sein. Et c'est ce qui fait en sorte que pendant ce temps-là, bien, il y a eu la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui, on a des problèmes de pollution qui sont occasionnés par de l'inconscience, mais qui ne peut pas être court-circuitée rapidement, étant donné que la descente de la conscience au sein des individus pour qu'ils vivent en harmonie avec l'environnement, ça ne peut pas se faire tout de suite. Il y a du temps à contenir. Donc, autrement dit, que les gens qui vivent un contact avec l'esprit, qui agissent en fonction de l'esprit, puis qui contiennent le temps, qui ne cèdent pas à la panique, qui ne cèdent pas à la crainte. Voilà l'essentiel du propos à tenir aujourd'hui. Et si l'être humain fait ce qu'il a à faire, qu'il ne tombe pas dans le piège de la culpabiliser, de laisser culpabiliser par des gens dans les médias, qu'il fasse ce qu'il a à faire, qu'il suive sa vibration, puis si la vibration, par exemple, de voyager en avion, que la personne le fasse. C'est pas parce qu'il y a des gens immédiats qui disent que l'avion fait beaucoup de pollution, les êtres humains devraient arrêter d'utiliser l'avion. Après ça, ça va être quoi? Arrêter d'utiliser l'automobile, arrêter de se déplacer, ce qui devient extrêmement limitatif. Donc, l'être humain ne doit pas se limiter pour des raisons de réduire la pollution, mais doit plutôt suivre la vibration qui va mettre en place des scénarios et des synergies créatives qui éventuellement feront en sorte qu'il y aura l'émergence d'une humanité nouvelle qui restaurera l'état de la Terre. Donc voilà l'essentiel du propos. Et écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.